passé un très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cairn, c'est pas du tout un acronyme. Un cairn, qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont destinés à baliser les chemins de montagne. Un cairn, on ne le fait pas pour soi. Le principal destinataire, le principal bénéficiaire n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. Cette semaine, une histoire de portail. Et donc nous, notre vocation en tant qu'éditeur de sciences humaines, c'est d'être des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et on s'est dit, peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, enfin une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes. De l'édition. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. À la diffusion. Le Japon est un cas d'étude assez intéressant puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairninfo. Comment faire circuler la recherche? Troisième journée passée dans les locaux du portail Cairninfo, spécialisé dans les sciences humaines, où sont présentées quelques 500 revues, je disais hier 450, ce n'est pas que le chiffre augmente jour après jour, c'est plutôt moi qui corrige, 500 revues donc, une aventure qui a débuté il y a une quinzaine d'années, à l'initiative de Marc Minon, de François Gèze, eux-mêmes entourés d'une solide équipe dont nous entendrons aujourd'hui et demain quelques représentants. Aujourd'hui, nous causerons vie quotidienne et tâches multiples. Histoire vivante. Cette semaine, une histoire de portail. Aujourd'hui, entretien avec Marc Minon, directeur de Cairninfo, Thomas Parizeau, chef de produit, et François Gèze, PDG des éditions de La Découverte. François Gèze, si je vous proposais de vous transformer, de vous métamorphoser en guide touristique et que vous preniez sous votre coupe et votre responsabilité un petit groupe de touristes, comme ça, pour leur faire la visite de Cairn, comment vous leur présenteriez l'objet? Comment rendre intéressant à un grand public un lieu pareil? Faut commencer par dire que c'est un outil de recherche et de découverte, d'accord? Donc il faut quand même savoir un peu ce qu'on veut rechercher ou découvrir. Si on y va nez au vent, il y a tellement une offre tellement vaste, tellement de disciplines concernées que on risque de pas accrocher. En revanche, c'est le risque de tout ouvreur de dictionnaire. Voilà, voilà. Et justement, mais parce qu'on n'est pas un simple dictionnaire. Mais en revanche, si vous y allez avec déjà, alors que vous soyez jeune étudiant ou que vous soyez chercheur chevronné, mais que, mettons, un jeune étudiant, typiquement, on va lui dire, tu vas faire un mémoire sur tel sujet. Voilà, en deuxième année de sociologie, il va faire un mémoire sur tel sujet. Pour ça, il a besoin de lire, de se documenter. Ben, là, l'outil Cairn, ou en psychologie, même topo, la psychologie, les psychologues sont des grands utilisateurs de notre plateforme. Des jeunes apprentis psychologues, moi-même, je l'ai vécu, parce que je me souviens, ma fille a fait des études de psychologie, et elle, sans que je savais pas que son école était abonnée à Cairn, elle m'a dit ça m'a changé la vie. Je devais faire un mémoire sur ci ou sur ça. Et ben je me promène, je trouve les trucs, j'imprime. Et donc après pour les touristes qu'on fait visiter. Moi je fais partie des touristes. Hein. Voilà, mais il faut que ça soit des touristes quand même un peu qualifiés, motivés. Typiquement des étudiants, de jeunes étudiants. Ça fait partie du public que nous visons. Et qui disent, bon, moi, je sais, j'ai besoin de trouver des informations sur tel sujet. Alors, voilà, c'est quoi les outils que Cairn me propose pour m'aider à trouver des informations? Et là, on fait visiter les outils. L'ergonomie, le moteur de recherche, les facettes, les mots-clés, les liens entre, les hyperliens entre tel papier et tel autre papier, etc., etc. Et on s'aperçoit, alors évidemment, il faut les maîtriser. Il y a un certain niveau de technicité, mais qui est pas du tout pire que celui qu'on doit avoir quand on navigue sur le web. Et du coup, une fois qu'on maîtrise ces outils-là, c'est un bonheur, quoi. Marc Minon, expliquez-nous comment ça travaille à Cairn pour le grand public, pour qu'on essaie de se faire une représentation comme ça, physique peut-être, mais pas seulement que physique. Comment ça fonctionne? Donc, Cairn, pour le grand public, c'est un site internet. C'est un site internet sur lequel nous publions en texte intégral. Aujourd'hui, nous diffusons en texte intégral environ 500 revues, environ 10 000 ouvrages et une dizaine de magazines. Pour l'utilisateur, il peut se dire, en gros, il s'agit de simplement un fac-similé de ce qui était publié sous forme papier, puisque, je sais pas, je dirais 95% des publications que nous diffusons correspondent à une publication qui a fait l'objet d'une édition sur support papier. Notre travail est différent, c'est-à-dire ce que nous devons faire, au-delà de la gestion de notre site, c'est nous devons récupérer les fichiers qui ont permis l'impression, disons papier, de ces revues, magazines ou ouvrages, les convertir dans un format identique, puisque chacun des éditeurs a travaillé, en gros, selon ses contraintes et selon ses habitudes, bien sûr. Les convertir donc dans le même format. Unifié, donc. Exactement, pour pouvoir les diffuser en ligne et essayer d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités. Une question, Thomas Parizeau, c'est le grand public. En ce moment, vous êtes en train de parler, on est en train de parler, et toute cette semaine, Cairn Info est présenté à un large public. Ce large public, peut-il y trouver son compte, sachant que tout de même, les contenus sont des contenus qu'on peut qualifier de pointus, donc qui peuvent être, vous l'admettrez, décourageants pour tout un commun. Alors, est-ce que là aussi, il y a de la marge et qu'on n'est pas forcément embarqué illico dans des textes où il faut 50 dictionnaires à côté pour essayer de les suivre? Exactement. On parlait de découverte, ça va certainement avec une certaine progressivité. C'est-à-dire que Cairn est une plateforme très ouverte, et quand je dis des millions de personnes, tous ne sont pas, qui passent chaque mois, tous ne sont pas universitaires, et tous ne sont pas historiens spécialisés de la période dans lequel ils vont lire des articles. Cette progressivité, on essaye de la construire au niveau de la construction du catalogue, du méta-catalogue que Cairn représente finalement, avec des titres très accessibles, hein, qui vont remonter dans des recherches, qu'on distingue d'ailleurs des revues, des magazines, comme Sciences Humaines, L'Histoire, magazines littéraires, sont des points d'entrée avec un traitement, une écriture plus journalistique, un aspect plus accessible, des articles plus courts, ou des revues d'intérêt général, qui ont le grand mérite d'essayer de prendre de la hauteur, une distance par rapport aux différentes disciplines, aux savoirs un peu académiques, et de les traiter avec un angle qui est vraiment celui de l'intellectuel, et avec un angle sociétal, vraiment. Et ça, c'est vraiment un espace qu'on essaie de bien ménager sur Cairn, et on est très attentif à justement ne pas devenir trop spécialisé et un peu abscon. Sachant que cette voie de passage n'a de sens que si derrière on trouve aussi des ouvrages et des revues beaucoup plus spécialisées qui nous permettent, à quelques clics finalement, d'approfondir de façon très spécialisée certaines problématiques et de retrouver des articles longs, fouillés, issus vraiment d'un travail de recherche complet et très sérieux, ce qui est aussi une des richesses de Cairn. Marc Minon, quand on travaille à plusieurs, il faut de la patience, il faut de la diplomatie. Quand on essaie de créer un objet qui devra se voir d'une part et qui devra se lire ensuite, ça suppose qu'on va faire des choix de lettres, des choix d'espace, des choix de que sais-je, après tout c'est votre métier, c'est pas le mien, mais enfin j'imagine. Comment ça fonctionne ici? Alors, en gros, donc d'abord vous avez absolument raison, c'est-à-dire que notamment les choix graphiques de notre portail, je parle plus des revues, comme il s'agissait d'homogénéiser l'ensemble des publications, on a essayé de réfléchir à ce qui doit nous différencier, en gros. Et on en est arrivé à essayer de définir une ligne graphique qui se veut être un équilibre en, disons, modernité et rigueur ou sérieux. En fait, sérieux, rigueur, pour montrer qu'on est bien dans le domaine de la recherche universitaire ou de la recherche intellectuelle, du travail intellectuel, mais également modernité pour montrer qu'il y a quand même une rupture. Donc c'est pas des lettres gothiques. Fait, exactement. On est ici dans vos locaux, chez Cairn. Quand je me tourne, je vois un peu autour les collaborateurs au boulot. Il y a plein de jeunes gens, jeunes femmes. ce n'est pas une offense que de vous dire que vous n'avez pas tout à fait le même âge qu'eux. Et là-dedans, dans le regard que l'on peut avoir sur le graphisme, les goûts changent aussi avec les âges. Avec les, hein. Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas eu... on n'a pas... À l'époque, d'abord, c'était facile. Au début... Vous étiez deux et demi. Voilà. C'est ça. Bon, donc, c'était plus facile de se mettre d'accord. Et on a travaillé avec un graphiste extérieur, habitué à travailler sur, notamment, non seulement des sites Internet, mais également des publications écrites, papier. Hein, et ça, bon, Dominique Prudhomme, et ça nous a, je pense, été extrêmement utile. Et puis, cette charte graphique, elle a évolué avec le temps. Elle a évolué. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sites Internet où il est possible de retrouver la trace historique, en fait, des différents sites. Choisir un lettrage qui soit un lettrage commun, unique, sur le portail de Cairn, contraint Cairn à convaincre les multiples éditeurs à adopter le dit lettrage. Alors parfois ça doit aller d'évidence, d'autres fois pas. Et là encore, il faut faire de la diplomatie, il faut arriver à convaincre. Il faut... Effectivement. Alors assez rapidement, et c'est un de nos métiers encore aujourd'hui, on apprend beaucoup aussi des usages et on restitue autant que possible ce qu'on apprend aux éditeurs. Donc, un exemple. Un exemple, c'est l'importance d'une certaine continuité, ce qu'on dirait aujourd'hui d'expérience. On n'aurait pas dit ça en 2005, mais une certaine fluidité du point de vue de l'utilisateur. Et ça, les éditeurs, ils sont assez sensibles en se disant, on comprend bien qu'une expérience de lecture ne peut pas se heurter en permanence à un nouveau lettrage, par exemple, une nouvelle identité graphique, des modalités différentes qui seraient propres à chaque éditeur. Donc ce que Cairn, pour le coup, propose... plutôt qu'impose, hein. On est plutôt toujours dans la proposition que dans l'idée d'imposer quoi que ce soit, mais c'est effectivement de créer ce tronc commun et que les éditeurs puissent s'aligner assez rapidement. En plus, effectivement, on développe des services qui demandent, qui ont des contraintes techniques à ce que les formats, ce qu'on propose à chacun des éditeurs soit un peu homogène, ce qui nous permet, nous, d'investir de façon mutualisée, hein, ça des... et de travailler effectivement de façon globale, que ce soit pour un éditeur de petite, moyenne ou grande taille, et de les amener tous à un même standard à la fois de qualité et à une expérience utilisateur, lecteur, qui soit homogène et on espère de qualité. Histoire vivante, suite des entretiens avec François Gèze, Marc Minon et Thomas Parizeau. Comment faire évoluer un objet si jeune, dont on sent, et qu'il l'a déjà prouvé, le formidable potentiel ? Quelles seraient, selon vous, François Gèze, les directions, peut-être pas là, mais les directions vers lesquelles il faudrait s'aventurer ? Pourriez-vous, François Gèze, nous dire quelques mots de ce que j'ai cru repérer, à savoir le développement récent des revues prédatrices ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Alors, Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un tout autre phénomène. Comment dire ? Alors, il faut faire un petit détour simplement historique pour j'évoquais le fait que les grands éditeurs scientifiques mondiaux ont quand même abusé sur les prix pour garantir des marges de rentabilité très élevées, trop élevées. Les quatre grands méchants. Voilà, et qui ont été perçus à juste titre comme vraiment gênant le développement et l'accès au savoir des bibliothèques universitaires dans le monde, d'où l'appel de Budapest en 2002 qui a dit il faut développer ce qu'on appelle l'open access, l'accès ouvert. il faut essayer de rendre le plus possible les publications issues de la recherche scientifique accessibles largement et gratuitement dans toute la mesure du possible. Donc nous, Cairn, d'une certaine façon, on est relativement bon élève puisqu'on rend les choses gratuites au bout de 3 ans en moyenne. Nos éditeurs rendent les textes gratuits au bout de 3 ans, mais c'est pas le cas des grands. Donc du coup, c'est développé toute une série d'initiatives, ce qu'on appelait d'abord les archives ouvertes, c'est-à-dire des plateformes publiques ou pas toujours publiques d'ailleurs, mais peu importe, mais où les chercheurs, mais surtout publics, où les chercheurs peuvent déposer leurs articles, où les préprints, enfin les premières versions de leurs articles pas encore publiés. Voilà, et ça s'est beaucoup développé en physique, par exemple, en sciences de la vie, ça joue un rôle aujourd'hui très important, ces archives ouvertes. Voilà. Après, parallèlement à ça, s'est développé le modèle, l'open access qu'on appelle vert, green, qui consiste à dire, ok, ce qui est notre modèle à nous, d'une certaine façon, il y a une barrière mobile, mais au bout de 3 ans, ça devient gratuit, et si vous voulez le mettre sur une archive ouverte gratuite, vous, le chercheur qui l'avait écrit, vous pouvez. Et puis ensuite, est apparu l'open access gold, doré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a plus d'abonnement, les textes deviennent gratuits dès publication dans la revue, en ligne. Et en revanche, les frais d'édition, parce qu'il y a toujours des frais d'édition, rien ne peut être gratuit, ça veut pas dire, enfin libre, ça veut pas dire que ça n'a rien coûté. Si, ça a coûté. Et les frais d'édition sont payés en amont par des subventions publiques, le plus souvent, qui payent les frais d'édition. Voilà. Qui sont ce qu'on appelle les article processing charges, les coûts de production d'un article, qui varient énormément, depuis 600 euros pour un article de sciences humaines dans une revue normale, jusqu'à 5000 euros dans une revue très prestigieuse, comme Nature. Alors voilà, ce Gold Open Access, permet de rendre gratuitement accessibles des publications. Et c'est là que les fameuses revues prédatrices apparaissent, parce qu'il y a des petits malins, notamment en Inde, ça a commencé, il y en a un peu dans le monde entier, se sont dit, ah bon, ben, je vais dire aux chercheurs, s'il vous plaît, publiez dans ma revue, c'est du gold open access, vous payez 1000 euros ou 1000 dollars l'article et je le rends accessible. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est des revues bidons, c'est-à-dire des comités scientifiques bidons, tout est bidon. Mais néanmoins, les chercheurs qui doivent publier, parce qu'on a besoin de publish or perish, il faut publier pour être évalué, eh ben, ils se laissent avoir, souvent. Alors maintenant, ils commencent à être plus vigilants, mais ils se laissent avoir, et quelquefois, il y en a qui descendent très bas, 500 euros. Et bon, 500 euros, j'ai mon article publié dans une revue scientifique, c'est bien pour mon curriculum vitae. Et voilà. Et donc, il y a des éditeurs prédateurs qui ont commencé à se faire des millions, voire des dizaines de millions de dollars, de cette façon-là. Mais à partir du moment où le poteau rose est découvert, ça se dégonfle aussi rapidement que ça. Oui, parce que le poteau rose, on est dans des milieux très cloisonnés. Ouais. Très, très cloisonnés. Les physiciens de l'atome, ils savent pas ce que savent les mathématiciens ou les géologues. Voilà, chacun est dans son coin. Donc les prédateurs, ils peuvent être assez malins pour cibler des niches. Voilà. Et qui peuvent durer comme ça assez longtemps. Là, il y a eu un procès récemment. Finalement, il y en a un qui a été condamné, mais je crois qu'il est en Inde, donc il est pas sûr. Il a 50 millions de dollars, mais c'est pas sûr qu'il va les payer parce qu'il est pas. Voilà, la justice internationale, c'est pas sa priorité. Ce genre de pratique. Marc Minon, Cairn a évolué, a grandi. Est-ce qu'on peut dire, après sa création, il y a presque une quinzaine d'années. Que le modèle économique original est, pour le moment, stable, sera-t-il, à votre avis, contraint à une évolution dans le futur? Donc, en gros, notre modèle économique aujourd'hui, quel est-il? En gros, c'est presque, je dirais, un modèle de la vieille économie. C'est-à-dire, sur Cairn, on ne vend pas de publicité, on ne vend pas l'attention des internautes, et on ne vend pas, on ne l'a jamais fait, et à mon avis, on ne le fera jamais, de données personnelles sur nos utilisateurs. Donc, résultat, c'est comme nous bénéficions de façon extrêmement, extrêmement marginale de subventions publiques, l'essentiel de nos revenus, ce sont des ressources propres, des services qu'on commercialise. Et on les commercialise à la fois selon un modèle qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire on vend à des institutions des licences d'accès, non pas pour elles, mais pour leurs utilisateurs. On vend, admettons, une licence d'utilisation à l'Université de Lausanne, non pas pour le bibliothécaire de l'Université de Lausanne, mais pour l'ensemble de la communauté universitaire, étudiants, enseignants, chercheurs, visiteurs, même de l'établissement. À la fois un modèle B2B2C, et un modèle B2C, c'est-à-dire on vend des articles à l'unité aux internautes. Les droits d'accès à des articles à l'unité aux internautes. Comme un kiosque virtuel. Comme un kiosque virtuel. Ça, c'est aujourd'hui notre modèle d'accès, sachant qu'il est néanmoins fondé sur une espèce de mix gratuit-payant. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les documents les plus anciens, les articles les plus anciens, les numéros les plus anciens de revues sont proposés après X années en accès gratuit, basculent en accès gratuit. C'est donc un modèle extrême, tout à fait différent, c'est un modèle inverse du modèle de la presse quotidienne notamment, hein, puisque le modèle de la presse quotidienne, enfin, il bouge tous les jours, mais aujourd'hui, quel est-il principalement? C'est de donner accès à gratuitement à une sélection d'articles du jour, disons, accès gratuitement à une partie de ce qu'on appelle le show, mais à faire payer notamment le fonds d'articles, les archives. Bon, nous, c'est exactement le contraire, puisque nous faisons payer en fait les articles les plus récents. Par contre, les articles après X années basculent en accès gratuit. C'est ce que nous appelons le principe de la barrière mobile. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, plus de 2/3, par exemple, des articles de revue que nous diffusons sont en accès gratuit. Donc, ce que nous commercialisons, c'est uniquement la partie la plus récente de notre catalogue. Ça, c'est notre modèle économique actuel aujourd'hui. Le problème, si je puis dire, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe non seulement au niveau français, mais au niveau européen, voilà, c'est aussi les évolutions, hein, je disais, niveau européen, niveau de l'Union européenne, mais c'est également les évolutions en Suisse, et puis c'est une évolution mondiale, quasiment. C'est que se développe une revendication de l'accès gratuit aux publications scientifiques. C'est ce qu'on appelle l'open access. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, la recherche universitaire, elle a été payée sur fonds publics, et il est normal, donc, que les résultats de cette recherche y soient mis à disposition gratuitement, à la fois des citoyens et éventuellement des entreprises qui souhaitent utiliser les résultats de cette recherche. L'argument est imparable. L'argument, d'une certaine façon, est tout à fait fondé. La question, c'est de savoir comment on concilie, en gros, cette logique avec le fait que éditer des revues et a fortiori éditer des ouvrages, ça représente un vrai travail et donc ça représente un certain coût. Une plus-value. Pardon, une plus-value. Une plus-value. Voilà. Oui. Une des façons de répondre à, je sais pas, l'existence de ces deux logiques différentes, c'est en gros de mettre en avant ce qu'on appelle un mode de financement amont des publications. C'est-à-dire se dire, plutôt que de faire payer l'accès aux publications par les universités ou par les internautes à titre individuel, ce qu'on va faire, c'est on va financer dès le départ la publication des articles de revue, voire des ouvrages exprimant le résultat de travaux universitaires, moyennant l'engagement des éditeurs ou des structures éditoriales qui portent les revues ou les ouvrages concernés à les diffuser gratuitement, soit tout de suite, soit après un certain délai. Et ça, bien évidemment, ça nécessite de bousculer tous les modèles. On n'est plus dans un modèle où on vend des contenus, comme un éditeur de presse qui vendrait en fait l'accès à ses publications. Il s'agit de renverser le modèle et de se dire, les universités ou les ministères concernés ou des fondations participent au financement de l'activité de publication, moyennant éventuellement engagement donc des éditeurs ou des structures éditoriales concernées à mettre en accès gratuitement ces publications. Pour nous, c'est évidemment un enjeu important. La question, c'est de savoir, enfin, il y a toute une série de questions derrière. La première question derrière, c'est savoir quel est le périmètre qui doit être exactement couvertes par cette évolution. C'est-à-dire, on voit bien qu'une revue... Autrement dit, y a-t-il des seuils, c'est ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que sur Kern, il ne vous aura pas, échappé qu'on retrouve aussi bien des publications strictement universitaires, académiques, institutionnelles quasiment, et puis des publications qui sont des publications plus professionnelles, dans le domaine, par exemple, de la santé mentale, dans le domaine de la gestion. Des publications plus militantes, des revues d'intérêt général, etc. Et que la question de savoir, c'est ce financement amont. On voit bien quand il s'agit d'une revue académique, qu'elle peut être financée par une université, on voit bien la logique. Le problème, c'est que la limite entre les différents types de publications dont je viens de parler, les limites sont quand même très fortement perméables, et savoir à quel type de publication on doit s'adresser, quel type de publication peut être concerné par ce renversement de modèle, n'est pas quelque chose d'anodin. Ça, à mon avis, c'est un des enjeux. La deuxième, d'une certaine façon, le deuxième problème qu'on doit se poser, c'est la question de l'indépendance. Je parlais avec un responsable d'une revue, qui est pourtant une revue, je sais pas, universitaire, académique, assez... voilà, positivement noté, qui disait « Mais comment puis-je faire confiance aux institutions pour financer mes publications, puisque moi, ma revue, elle est essentiellement consacrée contre la plupart des articles, s'adresse contre l'existence des institutions. » Aujourd'hui, en fait, ça, jusqu'il y a quelques années, cette... mise en question, en fait, de l'indépendance du travail de publication pouvait apparaître comme une espèce de jeu de l'esprit. Mais quand on voit aujourd'hui les évolutions, les évolutions en Europe, les évolutions en Amérique latine, les évolutions dans d'autres régions du monde, on voit bien que la perspective de voir arriver au pouvoir, je veux dire au pouvoir politique, des personnes, des groupes politiques qui veulent mettre la main sur la recherche universitaire, veulent contrôler la recherche universitaire, voire veulent limiter l'influence des sciences humaines et sociales dans les universités, est quelque chose qui n'est plus, en fait, une hypothèse absolument vaine. Et de plus en plus probant chaque jour. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir si... bon, ce renversement de modèle, il implique effectivement une dépendance vis-à-vis des institutions qui est plus forte que dans le cas d'un modèle où, en gros, il s'agit de vendre des abonnements à des centaines ou à des milliers de clients institutionnels ou individuels dans le monde. Demain, nous nous retrouverons à nouveau dans les locaux de Kern pour poursuivre cette rencontre, sans doute découverte pour beaucoup d'entre vous. Se mettre au courant, découvrir, lire une vaste recherche dans le domaine des sciences humaines francophones, c'est donc désormais possible grâce à des portails du type Kern. À demain.